20 ans déjà, je suis là, tout près de toi. 20 ans déjà, plus je te côtoie, plus je me rassure. Mais si parfois j'ai peur, c'est que pour tout ce qui dure, eh bien, avec le temps, tout fout le camp, je me raccroche sur ce que j'entends. Raconte-moi l'histoire de cet homme qui tous les soirs se noie dans ton regard, comble tous tes espoirs, redis-nous bien haut quels sont tes idéaux. J'en prends le plus beau devenir ce héros. 20 ans encore, je suis là toujours tout près de toi. 20 ans encore, à te côtoyer, à me rassurer. Et si parfois j'ai peur, c'est que pour tout ce qui dure. Avec le temps, tout fout le camp, je me raccroche sur ce que j'entends. Raconte-moi l'histoire de cet homme qui tous les soirs se noie dans ton regard, comble tous tes espoirs, redis-nous bien haut. Sont tes idéaux, j'en prends le plus beau pour devenir ce héros. Raconte-moi l'histoire de cet homme qui tous les soirs se noie dans ton regard. Redis-nous bien haut quels sont tes idéaux. J'en prends le plus beau pour devenir ce héros.